Alors, nous allons plonger donc dans l'autre univers, celui qui précisément est à la porte de l'emploi public, mais qui n'est pas à la porte des laboratoires, hein. Ça, il faut le souligner, puisque nous sommes toujours amenés à travailler avec ses collègues qui n'ont pas de poste statutaire. Je dois dire que dans notre laboratoire, la secrétaire précaire qui vient de partir était docteur en histoire. Hein. Bon, et on l'employait quand même sans doute en dessous de ses capacités. C'est au moins une litote que j'exprime là. Oui, donc Mademoiselle Obscure Précaire étant retenue à un colloque à Bologne, intitulé Plus vite et plus loin vers une société de l'ignorance. Elle ne peut malheureusement pas assister à la réunion d'aujourd'hui, mais elle est très honorée de l'invitation. Me charge de transmettre ses remerciements et remercie également toutes celles et tous ceux qui ont soutenu sa candidature au prix Claude Lévi-Strauss l'année dernière, ainsi qu'au prix Clo-Clo, qui était doté de 100 000 clopinettes. Je ne représente donc rien ni personne, ou tout le monde à la fois, puisque Obscure, c'est au bas mot, nous dit-on, 50 000 personnes, et que son comité de soutien est lui-même un collectif à géométrie variable et à géographie variable, de personnes qui se sont rassemblées spontanément l'année dernière. Je reviendrai sur la manière dont ça s'est passé. Et que ce collectif lui-même ne prétend représenter personne, ni n'émane d'aucune institution ou autre collectif, quel qu'il soit. Mais j'ai quand même accepté de prendre la parole un petit moment ici pour parler argent aujourd'hui, avec les encouragements et suggestions d'autres membres du comité d'Obscure, qui étaient eux-mêmes retenus par leurs obligations professionnelles. Chacun cette année, comme les précédentes, courant la pige et le cachet et gérant les urgences comme ils peuvent, laissant la pauvre enfant à son triste sort. J'ai accepté en tant que membre cofondatrice du comité et co-rédactrice du blog du prix Clo-Clo, et effectivement parce qu'Obscure est bien né de Parlons Argent et qu'il nous semblait important de continuer à porter la question de la précarité dans l'enseignement supérieur et la recherche en place publique et de continuer à y réfléchir collectivement, en particulier à ce que cette réflexion soit prise en charge par la communauté universitaire elle-même et par la société civile en général. On pourrait justement d'ores et déjà relever les termes que j'ai employés à l'instant, courir la pige et le cachet. Il y en a un qui relève du journalisme et l'autre du théâtre, et qui montre bien un des aspects de la question, à savoir que la précarité de l'emploi se généralise et que de milieux professionnels où elle était entre guillemets traditionnelle, elle commence à toucher des sphères de plus en plus vastes et inattendues. Même si de leur côté, les précaires eux-mêmes y sont incroyablement habitués, pour ne pas dire parfois incroyablement résignés. Je me souviens là-dessus de l'excellent papier de Jean-François Bayard qui avait été écrit l'an dernier, et peut-être qu'on peut y repenser. Est-il raisonnable, peut-on sérieusement croire qu'il est efficace de gérer la recherche, les étudiants, les patients hospitaliers, etc., etc., comme on gère la production des voitures, c'est-à-dire à flux tendu, sans parler des effets socialement déstructurants de cette forme de l'organisation du travail, y compris dans la production des voitures. La question de la précarité est donc importante pour les conséquences qu'elle a sur la qualité de ce que nous faisons, comme recherche et comme enseignement, ou dans nos fonctions administratives. Et on peut supposer que ça intéresse la société dans son ensemble, surtout quand l'ancienne officielle est société de la connaissance. Et elle est importante parce que c'est un phénomène de société généralisé sur lequel les sociologues du travail se sont penchés depuis longtemps, mais laissant bizarrement un angle mort dans le domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur, comme s'il y avait là un tabou resté longtemps non travaillé. Jusqu'à l'enquête précarité de l'intersyndicale, dont nous avons tous été, je pense, extrêmement heureux. En réfléchissant à ce que je pourrais dire ici qui aurait pu ajouter quelque chose à la séance sur la précarité et au rapport de l'enquête que je viens de citer, dont un des immenses mérites à mes yeux était d'objectiver et de chiffrer des faits quand même assez atterrants, d'une part, et d'autre part, de permettre à chacun de contextualiser sa situation personnelle quand on est précaire et de se sentir moins seul ou d'en porter moins lourdement la responsabilité individuelle. Je me suis dit que ce serait peut-être de donner une idée plus incarnée ou plus ethnographique de la réalité de nos situations. Par exemple, l'un des aspects de l'enfer précaire, c'est qu'il est piégé en permanence dans la réalité et au plan sémantique et au plan symbolique. Par exemple, je viens de dire que la précarité avait des conséquences sur la qualité de notre travail. Et à l'instant où je l'ai écrit ou pensé, je me suis dit que non, il ne fallait surtout pas dire ça parce que ce n'était pas vrai. Parce que nos CV valent bien les vôtres ou les leurs, ceux des statutaires. Parce que nos publications sont souvent d'aussi bonne qualité, parce qu'elles sont souvent aussi nombreuses, voire plus. Parce que quand on est précaire, on est travailleur acharné. Pour essayer de s'en sortir et d'étoffer le CV en question. Et en même temps, il faut bien, c'est vrai que la précarité a une influence sur la qualité de notre travail, parce que quand on a 5 employeurs en même temps, sur des lieux différents, pour donner des cours différents, à des publics différents, qui ne relèvent pas forcément du champ de nos thèses, et sur lesquels on est recruté au pied levé, sans temps de préparation, il est évident qu'on dispense un enseignement moins peaufiné que si on avait eu le temps de le préparer dans des conditions de travail normales. C'est vrai aussi parce que si avec 80 centimes d'euros, je peux acheter une baguette, avec 10 centimes d'euros, je ne peux pas acheter un huitième de baguette. Et ce qui est vrai avec la baguette est vrai avec la recherche que je peux faire. C'est-à-dire qu'il est question, quand on parle de précarité, de seuil et de passage de seuil en deçà desquels la recherche n'est plus possible tellement on est dans l'émiettement. Par exemple, avec un contrat de 4 mois, je ne peux pas faire une enquête de terrain, une recherche bibliographique sur l'état des savoirs et rédiger un rapport. Et si je vais y arriver quand même, c'est soit que je vais réexploiter tout un travail gratuit que j'aurais fait en amont avant et qui auront fait de moi déjà une spécialiste de la question, soit parce que je vais fournir ce travail gratuit en aval, mais en toute autre cause, ce travail ne m'aura pas pris 4 mois. C'est donc de ces seuils qualitatifs-là qu'il faut parler aussi. Et le piège, il est là, parce que les précaires intègrent, intègrent l'idéologie de la performance. Et ont tendance à se dire que si le contrat n'est pas rempli, c'est parce qu'ils sont mauvais chercheurs, parce qu'ils n'ont pas assez travaillé, parce qu'ils ne sont pas assez performants. En d'autres termes, les précaires ont intégré l'obligation de résultat, mais ils oublient d'intégrer l'obligation de moyens. Et les titulaires qui les évaluent, souvent, font de même. C'est-à-dire que même si on accepte le cadre d'une logique de production et d'organisation du travail scientifique selon la logique du marché, là où dans toute autre sphère de production, il serait évident qu'avec des noyaux de cerises, on ne peut pas faire une tarte aux cerises, mais seulement une tarte aux noyaux de cerises, dans la recherche, on attend à ce que soient produits des tartes aux cerises avec des noyaux de cerises. Et le miracle est que ça se produit quotidiennement. Ce miracle n'est pour autant pas miraculeux du tout, il a un coût, le coût est caché dans le quotidien des précaires. Obscur précaire est donc bien né de Parlons Argent, ou disons, à ce moment-là, l'année dernière, du contraste entre la réalité misérable du financement de la recherche en anthropologie, en France aujourd'hui en particulier, c'était au départ disciplinaire, et le double langage des opérations de communication autour du centenaire de Claude Lévi-Strauss, puis de la création du prix de 100 000 euros pour récompenser le meilleur chercheur en sciences humaines et sociales travaillant en France. C'était la citation texto d'un courrier interne au personnel de la part de Valérie Pécresse annonçant la création du prix. Et je pense que le meilleur a été une forme de goutte d'eau pour nombre d'entre nous qui ont été ulcérés par cette formule. Je pense qu'auparavant, nous avions été nombreux à être choqués déjà de la célébration du centenaire de Claude Lévi-Strauss, sans que jamais il soit fait mention du fait que jusque dans son propre laboratoire, il y avait d'excellents docteurs excellent jeune docteur avec tous les guillemets que vous voudrez, qui avait soutenu depuis plus de 10 ans et n'avait toujours pas trouvé de poste. En fait, Obscur est né sur une liste de diffusion d'informations sur laquelle sont tombées en quelques heures des annonces sur la répression du mouvement de l'an dernier, y compris les répressions physiques et les évacuations par les forces de police. Et dans la même après-midi, il y a eu donc ces annonces, un débat un peu surréaliste sur le décompte des jours de grève et les rétentions de salaire, qui était très paradoxal parce que le débat était mené entre précaires qui prenaient la défense globalement des titulaires contre ces méthodes qu'ils jugeaient anormales, mais sans qu'en même temps on puisse envisager une seule seconde de créer une caisse de grève pour les précaires, vu que de toute façon les précaires... Enfin, sont tellement en deçà de ça que c'était pas possible. Sont tombées au même moment des annonces d'emploi très scandaleuses et très au service de l'État et d'autres choses. Par exemple, l'annonce d'une revue pour laquelle il fallait payer 550 livres sterling pour pouvoir être publiée. Ou encore l'annonce de la création d'un master 2 développement et management des universités pour former des spécialistes qui mettraient en œuvre la loi de la LRU. Ou encore en particulier donc une petite annonce qui émanait du ministère de l'Agriculture et de la Pêche, de son secrétariat général. Au service de la statistique et de la prospective, c'était une proposition de mission rémunérée au sein de la sous-direction de la prospective et de l'évaluation pour l'appui au pilotage de l'exercice de prospective, les défis énergétiques de l'agriculture française à l'horizon 2030. On décrivait les enjeux sociaux de cette prospective, pourquoi c'était extrêmement important de faire ce travail, on décrivait les fonctions... On décrivait ainsi les compétences attendues. Bagage solide en agronomie, économie et politiques agricoles. Connaissance ou intérêt pour la veille, la prospective et l'expertise stratégique. Connaissance ou intérêt pour les problématiques énergétiques et environnementales. Bonne capacité de recherche de l'information, d'analyse et de synthèse. Esprit d'initiative, autonomie et curiosité intellectuelle, qualité relationnelle et aptitude au travail en réseau et en équipe, capacité rédactionnelle, bonne maîtrise de l'anglais. Modalité pratique, la mission proposée fera l'objet d'un contrat de vacation ou d'une convention de stage et sera rémunérée à hauteur du SMIC d'une durée de 6 mois. Nanana, lettre de motivation à telle adresse. Blablabla. C'est une annonce, mais des annonces comme ça, on en voit passer plusieurs par semaine. Enfin, celle-là a beaucoup énervé. quelqu'un l'a analysée et a dit « Le tout en CDD de 6 mois au tarif du SMIC, McDo propose mieux en fait. » Suivi d'un autre courriel. « À ce tarif-là, je peux même repeindre son bureau, tailler ses crayons, torcher ses mots, m'amuser sa bergère. Il y a quand même des totos qui doutent de rien. » Voilà pour vous situer un peu l'ambiance sur cette liste professionnelle ce jour-là. 5 minutes après tombe l'annonce de la création du prix Claude Lévi-Strauss. 5 minutes après tombe un message de la modératrice visant à modérer le débat sur les rétentions de salaire et invitant à ce qu'ils se tiennent dans les couloirs feutrés des boîtes à courrier électronique plutôt que la liste de diffusion. Et 5 minutes après, tombe un mail qui dit « Bonsoir à toutes, pour faire le lien avec un certain nombre des messages qui précèdent, et si on organisait la candidature collective du meilleur anthropologue précaire de France et de Navarre pour le prix Lévi-Strauss, le célèbre blablabla, mais si, vous savez bien, ce diplômé de toutes les universités, avec tous nos diplômes, le fameux auteur de toutes nos publications, celui qui a enseigné à toutes nos... fonction d'enseignement et soutenu une si belle thèse sur, etc. Voilà. Réaction enthousiaste sur la liste et naissance d'Obscur précaire. Alors, sa naissance est intéressante en elle-même parce que le personnage est né et s'est affiné autant qu'il s'est offert des remarques des uns et des autres. Par exemple, très vite, on a vu apparaître des messages comme celui-ci. Une question à propos de Mademoiselle Précaire. Avec un parcours aussi brillant, peut-elle mener une vie de famille, avoir des enfants par exemple? Cela n'est pas précisé dans sa biographie. Certes, cela paraît peu envisageable, car le chercheur descend du moine et non du singe comme le commun des mortels. Mais pour maximiser ses chances au concours Clo-Clo, on pourrait peut-être rassurer Madame Pécresse sur ce point et lui dire qu'aucun congé maternité n'aura à être financé par le contribuable si elle est recrutée un jour. Et c'est ainsi que, voilà, c'est un homme qui a fait d'obscure précaire une femme. Elle était anthropologue, elle est devenue une Shiva interdisciplinaire, ce qui correspondait à la fois mieux à la polyvalence réelle des anthropologues précaires et à la précarité réelle des chercheurs en SHS en général. Et ce personnage collectif qui est tout le monde et personne à la fois a été bricolé, ainsi qu'un outil tout autant bricolé avec des moyens précaires. Par exemple, si c'était un blog, c'est parce qu'on n'avait pas les moyens de payer un fournisseur d'accès Internet pour faire un vrai site. Et nous avons inventé les usages et découvert les limites de cet outil au fur et à mesure. Ainsi, on avait, par exemple, imaginé un court moment que ça pourrait nous servir à nous recenser. Et on a très vite compris que c'était absolument impossible, dans la mesure où on ne pouvait pas faire un recensement crédible, d'une part, en garantissant l'anonymat des personnes, d'autre part. On s'est très vite rendu compte que la fabrication du CV et de la bibliographie d'obscur précaire pour la candidature officielle à l'Académie des sciences morales et politiques était très compliqué parce que les rubriques un tant soit peu engageantes personnellement se remplissaient peu vite, que même mettre une charge de cours avec un nom d'université, les personnes étaient réticentes. On s'est rendu compte aussi avec étonnement que la rubrique « Autres expériences professionnelles » qu'on avait mise un peu au cas où se remplissait par contre à une allure ahurissante. Comme si les gens, d'abord parce qu'elle était sans doute moins risquée pour ceux qui la remplissaient, et ensuite comme si les gens avaient un énorme besoin de reconnaissance de tout ce qu'ils pouvaient faire par ailleurs pour gagner leur vie, en plus de ce qu'ils considéraient comme être leur corps de métier, à savoir la recherche et l'enseignement supérieur. Et dans cette rubrique, on était absolument ahuri de ce qui tombait. Ça allait de docker à vendangeur, en passant par babysitter et convoyeur de fonds, femme de ménage ou cobaye pour test pharmaceutique, et j'en passe et des meilleurs. Donc je pense qu'un des prolongements possibles de l'enquête quantitative sur la précarité, ce serait de faire une enquête qualitative et de rendre plus visible aussi cette réalité-là au quotidien. Les gens ont aussi beaucoup insisté sur tous les petits travaux gratuits qui font fonctionner la recherche, mais les comptes rendus d'ouvrages, l'organisation de colloques, etc., dont ils considéraient que c'était du travail, mais pour lequel ils n'étaient pas rémunérés. Alors, des situations de cousins et de cousines d'obscurs précaires, dont on ne sait pas encore si elle appartient à un système dravidien ou Omaha, mais peu importe ici. On pourrait parler par exemple de Radegonde Précaire, qui est, mettons, médiéviste, chargée d'enseignement à l'EHESS au premier semestre de l'année N, de retour d'un prestigieux post-doc à l'étranger, après une thèse unanimement reconnue comme brillante. Et comme elle revient d'un post-doc à l'étranger, elle est au chômage non indemnisé, avec charge de famille, 3 enfants et un mari également au chômage, car il a suivi la famille pendant le post-doc. Elle sera rémunérée pour son semestre d'enseignement à l'EHESS, 700 euros à la fin du mois d'avril de la même année N. Et en attendant, elle n'aura pas pu payer les photocopies des 3 exemplaires de sa thèse pour les 4 postes qui sont ouverts au concours de la même année dans la même vénérable institution où je parle ici. Elle a envoyé le même jour 2 déprimes, son curriculum vitae à Shiva, sorte de centrale de femmes de ménage pour particuliers, et à plusieurs cabinets de chasseurs de têtes. Elle a finalement ri à la lecture des lettres de refus standardisées qu'elle a reçues. On peut noter que Radegonde Précaire a rédigé à elle toute seule, mais en co-signant avec un titulaire, plusieurs projets de recherche collective pour lesquels elle a obtenu des financements. financement qu'elle a partagé avec le dit statutaire et avec quatre cousins croisés. Elle n'ignore donc pas le temps que prend la recherche de financement, la gestion de la paperasse administrative, la rédaction de comptes rendus d'activité, de rapports de mi-parcours, etc. Les dix financements ont payé environ le 20e des frais de transport, photographie, photocopie, achat de cassettes, piles et autres petits matériels dérisoires de 5 doctorats aujourd'hui achevés, plus la machine à laver le linge d'un des cousins, le réfrigérateur d'un autre, la moitié de l'ordinateur du troisième, toute vétusté de cet équipement aujourd'hui, la pudeur le terra. Lucinda Précaire, soutenance N plus 3, 5 employeurs cette année, dans 5 villes différentes, dont au moins une à plus de 200 km du domicile. Elle m'écrit, il y aurait à dire sur là où nous en sommes en termes de démantèlement total de la société du salariat. Message d'Hippolyte Précaire. Comment ça va ? Ben, comme un anthropologue, ha ha ha. Me concernant, je suis un peu en apnée depuis décembre. J'ai en effet accepté un remplacement en STMS, sciences et techniques médico-sociales, au lycée Truc de la ville de Muche, première, terminale et quelques interventions de sociologie en BTS, soit 16 à 18 heures par semaine. Ça me change de mes interventions en IFSI, école de formation des infirmières, et école de sage-femme. Si j'ai choisi de prendre ce poste, c'est entre autres parce qu'il me garantissait un salaire convenable. J'y reste jusqu'à la fin de l'année. Heures de vacation, IFSI, école sage-femme, lycée, égale 350 heures annuelles. Financement de la thèse, en fait, financement pour quitter ville de province et venir s'installer à Paris, égale caisse d'épargne pré-étudiant, entre parenthèses, et oui, j'y croyais à fond, moi. Nombre d'années depuis la soutenance, 5 en mai 2010. J'ai obtenu pour une seconde fois ma qualif en anthropo, à relativiser au vu des postes en sociologie et anthropologie qui nous sont proposés cette année, le néant. Au final, entre 2007 et 2009, j'ai eu 11 employeurs différents. Je vais essayer de boucler rapidement. Il faudrait parler aussi du vécu de la précarité à l'extérieur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Par exemple, de Félicité Précaire, 5 ans d'expérience d'enseignement dans l'enseignement supérieur, y compris devant des amphithéâtres de 150 personnes. Son conseiller Pôle emploi l'envoie faire un bilan de compétences, au cours duquel on lui conseille de postuler comme hôtesse d'accueil pour mettre à profit sa connaissance des langues étrangères et pour, lui dit-on, développer ses capacités relationnelles. Elle en sort effondrée. Heureusement, elle a un bon ami, son cousin Mad Dog Précaire, qui lui remonte le moral en lui disant que la prochaine fois, elle n'a qu'à dire qu'elle veut faire Pitbull. Honoré Précaire, il faut parler aussi des effets pervers de la précarité, et notamment dans les recrutements. Honoré Précaire a un parcours et des résultats si brillants qu'on lui a dit en France que, tu comprends, on a préféré recruter telle autre personne qui est moins bonne que toi, parce qu'on savait que toi, tu trouverais autre chose. Un autre prestigieux post-doc aux États-Unis, où tu trouverais quelque chose. Tandis que lui, on savait qu'il n'avait aucune chance de s'en sortir. On l'a dit ça une fois à Honoré Précaire, on lui l'a dit deux fois, mais elle ne se l'est pas fait dire trois fois quand une université américaine lui a proposé un contrat longue durée pour elle et son mari, très intéressant et très bien rémunéré. Elle est partie. Donc la précarité aboutit parfois à des arbitrages contraires aux objectifs affichés d'émulation ou d'excellence, puisqu'on finit par recruter les moins bons ouvertement. Peut-être on pourrait mettre en ligne sur le site en complément les autres biographies des cousins et cousines d'obscurs précaires, de manière à pouvoir aujourd'hui prolonger... Oui, il y aurait énormément de choses à dire sur la manière dont les précaires intègrent subjectivement leur précarité et en endossent subjectivement la responsabilité, sur la manière dont les statutaires ne les voient pas ou ne voient pas leur situation, ou contribuent à renforcer leur précarité, par exemple en leur donnant des vacations alors qu'ils ont plus de 28 ans et en proposant un prête-nom, sauf que pendant ce temps-là, ils cotisent à rien, donc ils sortent de plus en plus du système d'assurance sociale. Etc. Et en fait, s'il y a un quart des effectifs qui sont précaires, ils peuvent bloquer la machine en en se mettant tous en grève en même temps, sauf qu'ils ne peuvent pas le faire matériellement. C'est aux statutaires de refuser de les embaucher dans ces conditions-là, puisque c'est eux qui les recrutent. Voilà. Et il y aurait tout un débat, enfin, il y a un débat qui s'ouvre sur, et qui ferait bondir les syndicalistes, mais sur le rêve de beaucoup de gens de rattraper au moins les conditions du privé. Ça a été dit durant la séance sur la précarité, c'est-à-dire de créer un statut d'intermittent de la recherche ou d'intérimaire de l'enseignement, mais qui garantisse un minimum, enfin, avec des primes de précarité au moins équivalentes à celles du secteur privé, même si c'est triste d'en arriver à souhaiter des choses aussi minimales. Voilà. De montrer finalement quel était le quotidien de collègues qui travaillent avec nous, et puis de nous mettre devant un certain nombre de responsabilités, probablement. Responsabilités ambiguës, dirais-je. Pour ma part, je ne suis pas prêt à les assumer, parce que je tâche de ne pas créer de précarité dans ma propre activité de recherche. Avant de passer la parole à Henri-Édouard, je dirais quand même quelque chose, c'est que, étant anthropologue en plus, je n'ai malheureusement pas trouvé que ce qu'elle décrivait était d'une actualité brûlante. Je me souviens, dans les années 80, que le directeur scientifique du CNRS, qui est tout à fait dans le mouvement de l'époque, qui est à la retraite maintenant, et qui était un homme assez dur, il avait sauté de joie parce que le président syndiqué de la section d'anthropologie du CNRS avait déclaré « Ah, elle a 40 ans, bien entendu c'était une fille, bien entendu, elle a 40 ans et elle est à sa cinquième candidature, cette candidature commence à mûrir ». Et évidemment, cette déclaration était pour le moins fâcheuse. Et là, je pense qu'en anthropologie, il y a une situation disciplinaire qui est la pire, la pire de toutes. Ça n'est pas absolument nouveau et je crois que là, il y a une cohérence.